Jean Lisa, moi aussi c'est à moi de jouer également. Je joue carreau. Je comprends pas. Moi, je veux. Moi, j'ai pas de question. C'est la merde. Et que tu as 50 avec l'os. Eh bien, il fait 20 ans. Oui, c'est bien. 35. Il y a la porte de l'univers. Est-ce que Dieu tout ça, sa femme, sa bébé, dit moi. Ah, de lui, bien. Sa si, ouais. Pas encore Dieu, ça. Ça va être bien temps, ça. Si, ouais. Le 23e, hein? 47. Oui, alors, bon. Enfin, votre papa, là. Eh ben. On a un peu, non? On a un peu, ça. On va les faire deux, après. Il y avait un peut-être. Ah, c'est là, oui. On dit que merde, il va là. C'est le meilleur, il va. Sans vous, c'est là. C'est bon. Non, ça. C'est ça, c'est bon. Je suis bicolore, maintenant vous pouvez tester.